autre. Persuadé que la flamme était morte. J'ai laissé prendre tes affaires, t'ai vu passer la porte. Et je regrettais pas jusqu'à te voir avec un autre. Hypocrite à la base, c'est ma faute. Trop toxique pour la plupart des gommes. T'as toujours tout fait au final pour que l'on s'en sorte. J'suis dégoûté d'avoir compris ça maintenant que t'es sorti de ma vie. Et puis c'est difficile, difficile de me dire qu'il n'y aura plus de marche arrière. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que je dois tenter l'impossible? Je sais qu'avec les si, avec les si je pourrais effacer chaque bêtise naïve. Mais c'est trop tard pour moi et ça me fait mal d'observer. Je t'ai dit d'aller refaire ta vie, mais j'aimerais que tu fasses comme si je ne t'avais rien dit. Oublie, dans le fond j'aurais voulu que tu me contredises. On s'est dit que c'était fini, mais je suis pour toi de savoir qu'un autre homme que moi te déshabille. Oublie, j'avais ni les épaules ni les reins solides, mais c'est fini. C'est pas toi. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur, mais c'est pas toi. Quand elle regarde dans mes yeux, elle te voit toi. Je sais pas comment je pourrais être plus français. J'ai perdu du temps à toutes ces femmes qui ne sont pas toi. En essayant de trouver des choses qu'il y a chez toi. Au final, t'as été la seule et la seule fois. Est-ce que je te parle français? Je regrette tellement tout ce que je t'ai dit. Maintenant, je suis sorti de ma folie. J'ai explosé ma carte de crédit seulement pour montrer que je suis solide. Je sais même plus comment faire pour avoir l'air crédible. Devant toi, tu me fais perdre mon cœur.